Le temps du don, en partenariat avec l'Union départementale des associations de donneurs de sang bénévoles en Meurthe-et-Moselle. Bienvenue sur Fadjet, vous écoutez Le Temps du Don, au programme de cette cinquième émission. Dominique vous informera sur les dernières actualités sur le don de sang. La thématique de l'édito sera la résolution du don. Nous recevrons la chargée de développement et de promotion du don basée à Nancy, qui nous parlera des objectifs 2026 de l'établissement français du sang. Et nous finirons avec l'agenda du don du mois de janvier. Le Temps du Don, le temps de l'actu. Salut Dominique! Et je te souhaite une belle année, Dominique! Merci Christophe, salut toi aussi. Bonne année à tout le monde. Qu'est-ce que tu as retenu pour cette nouvelle année qui démarre? Christophe, eh bien, comment sont passées les fêtes de fin d'année? Et est-ce que tu as pris de bonnes résolutions? Bon, les fêtes, on va vite passer. Mais pour les résolutions, tu sais que les résolutions du 1er janvier, généralement, on les tient jamais trop longtemps. Oui, on est tous pareils. Mais moi, je te propose, comme à tous ceux qui nous écoutent, une bonne résolution pour cette année 2026. Une bonne résolution qui n'est pas trop dure à tenir. Ce n'est pas s'inscrire dans une salle de sport et d'y aller trois fois avant d'abandonner en se disant qu'on y retournera avant les vacances d'été. Moi, je vous propose un truc simple. Donner son plasma une fois par saison, soit quatre fois par an. Pas mal. C'est la bonne résolution que je conseille à tout le monde pour 2026. On peut donner son plasma toutes les deux semaines. Alors, pour donner son plasma, le mieux, c'est d'aller dans une maison du don. À Nancy, elle se situe boulevard Lobau, derrière l'hôpital central. Et si vous êtes un peu plus loin au nord et que vous remontez vers Metz, vous trouverez la maison du don, quartier des Sablons, rue des Dames de Metz. On peut stationner facilement sur chacun des sites. C'est ouvert 6 jours sur 7. Ça dure une heure et demie. Et je vous conseille, comme toujours, de télécharger l'application Don du sang qui vous permet de prendre rendez-vous et pour trouver les adresses exactes. Et quand on n'est pas à côté, il y a des covoiturages. Ça, c'est un truc nouveau. Ouais. Qui sont organisés par les amicales des donneurs de sang à côté de chez vous. En fait, ça c'est mon actualité de ce début d'année. La fédération vient de lancer sur son site une carte interactive pour les covoiturages organisés par les amicales. On la trouve sur la page FFDSB, hein, difficile à dire, Fédération Française des Donneurs de Sang Bénévoles. Donc vous trouvez une association à côté de chez vous, vous voyez les dates des covoiturages et vous pouvez prendre rendez-vous pour vous joindre au groupe. Et pas besoin de prendre rendez-vous avec le FS, c'est l'association qui a pris des rendez-vous pour tout le monde. Ah oui. Ça peut permettre de faire le chemin à plusieurs. Le département des Vosges avait déjà lancé cette organisation il y a quelques années suite à la fermeture de leur maison du don. Et la deuxième actualité dans mon agenda, c'est le lancement d'un groupe jeune au sein de la Fédération des donneurs de sang bénévoles. Il s'est réuni plusieurs fois et ils ont pris des contacts au niveau européen, jusqu'au niveau européen. Dernièrement, ils ont réuni des groupes de jeunes venus de toute l'Europe à Strasbourg pour échanger sur le don de sang en général et sur ce qu'ils pouvaient apporter à leur niveau pour inciter à faire venir plus de donneurs et surtout pour faire remonter les débats sur l'engagement citoyen. C'est vrai que tous les pays européens n'ont pas la même politique en termes de don de sang, sur la gratuité du don par exemple, ou sur le bénévolat. Ils ont une page Facebook, mais aussi Twitter, Instagram et même TikTok. Ils ont plein d'idées et ils s'amusent bien à communiquer sur les différents dons, sang, plasma et plaquettes. Bon, ça a l'air sympa tout ça, comment je fais pour les rejoindre? Est-ce que je peux les rejoindre? On peut évidemment voir ce qu'ils font sur les réseaux sociaux, mais pour les rejoindre, je crois que tous les deux, on a un peu passé l'âge, car pour faire partie du groupe, il faut avoir entre 16 et 30 ans. Ah. Ouais. C'est eux le futur des donneurs, mais aussi des associations. Donc, ils ont tout notre soutien. Mais si ceux qui nous écoutent, qui auraient l'âge, et si vous vous dites que vous avez de bonnes idées et que vous voulez vous retrouver entre jeunes qui ont des convictions, et ça, je suis sûr que les jeunes ont des convictions et des idées, eh ben, ils peuvent les suivre et les rejoindre sur les réseaux sociaux. Enfin, dernier point que Christophe et moi nous lançons en ce début d'année, c'est la recherche d'animateurs pour nous remplacer, probablement ici à Fadjet. Non pas que nous voulons partir en retraite, hein, non, Christophe. Non, non. Loin de là. Non, mais nous pensons que tout le monde peut venir ici, derrière les micros, comme nous, pour faire leur émission dès la rentrée prochaine ou même avant. Donc, vous pouvez prendre contact avec nous sur le site de l'Union départementale des donneurs de sang de Meurthe-et-Moselle, sur dondusang54.fr ou sur, le plus simple, c'est sur notre page Facebook. Voilà. Merci. Le temps du don, le temps de l'édito. Nous sommes en plein mois de janvier, ça vient de démarrer, l'heure des vœux et des bonnes résolutions, on en parlait, qui, soyons-le, ne font pas long feu parfois, donc voilà, c'est cette période-là. On s'inscrit au sport, on promet de mieux manger, de lire, des engagements personnels souvent qui durent, disons, allez, jusqu'à la chandeleur. Mais cette année, si on faisait le pari d'une résolution qui ne demande pas d'efforts surhumains et qui a, elle, un impact réel et immédiat sur la vie des autres, je veux parler bien sûr du don de sang. Chaque jour, en France, ce sont plus de 10 000 dons qui sont nécessaires. 10 000, un chiffre colossal qui rappelle que la maladie, les accidents, les accouchements difficiles, etc., etc., tout ça, ça ne prend jamais de vacances. Et le sang, vous le savez, même en 2026, ça ne se fabrique toujours pas. Il n'y a que la générosité des donneurs qui peut fournir cette ressource vitale. Alors, oubliez la salle de gym si l'idée vous rebute, oubliez la diète stricte si ça vous déprime, prenez plutôt une heure de votre temps, l'heure d'un déjeuner un peu prolongé, l'heure d'une pause bien méritée, une heure pour un entretien, un prélèvement et une bonne collation qui vous remet d'aplomb. En une heure, vous pouvez potentiellement sauver ou améliorer la vie de 3 personnes. 3 vies grâce à un geste simple. C'est quand même la résolution la plus gratifiante de toute la liste, non ? Et croyez-moi, l'établissement français du sang, le EFS, se mobilise en ce début d'année où traditionnellement les réserves sont sous tension après les fêtes. Alors, si cette année, vous avez envie de vous engager pour quelque chose de concret, de solidaire et d'absolument essentiel, si vous recherchez la bonne résolution qui vous donnera le sourire, celle qui ne sera pas brisée fin février, mais qui sauvera des vies toute l'année, devenez donneur de sang et ou de plasma. Un geste facile, un impact immense. Vous avez le pouvoir de le faire, alors lancez-vous et vous deviendrez vous aussi un héros. Le temps du don, le temps de l'invité. Cette semaine, dans le temps du don, nous recevons la chargée de promotion du don et de développement de l'établissement français du sang pour les départements 54, 55, 88. Bonjour Marion Nardin, bienvenue dans le temps du don. Bonjour Dominique. Bonjour. Marion Nardin, dans un premier temps, je vais vous proposer de vous présenter, de nous expliquer en quoi consiste votre métier. Et ensuite, après le désormais traditionnel quiz, je vous inviterai à nous détailler les objectifs de l'EFS pour cette nouvelle année 2026. C'est OK pour vous, Marion ? Très bien. Je vous laisse vous présenter à nos auditeurs. Je me présente, je suis Marion, originaire des Vosges. Avec mes parents et mes 3 sœurs, on a habité à Épinal, ville dans laquelle j'ai fait toute ma scolarité. Par la suite, je me suis installée à Nancy pour mes études supérieures, pour lesquelles j'ai intégré dans un premier temps l'IUT Charlemagne pour un DUT technique de commercialisation. Ensuite, j'ai réalisé une licence et un master marketing et communication au CNAM à Nancy. Mmh. Durant mes études, j'ai pu travailler en alternance dans plusieurs structures, qui m'a permis de diversifier et élargir mes compétences. Une chaîne de télévision locale, un centre de formation dans le web design et ensuite aux vitrines de Nancy, association des commerçants dans laquelle j'ai été embauchée à l'issue de mes études. Et puis après avoir été maman, j'ai voulu me fixer et me consacrer pleinement à un nouvel objectif professionnel. Et j'ai donc intégré l'établissement français du sang il y a bientôt maintenant 4 ans. Ok, 4 ans déjà. Ouais. Vous étiez donneuse de sang avant ? Qu'est-ce qui vous a intéressé là ? Qu'est-ce qui a fait que vous avez rejoint cette... Alors non, je n'étais pas donneuse de sang. Non, je n'étais pas donneuse de sang. Et j'ai voulu me consacrer pleinement à la cause grâce à ce poste. Ok, et donc maintenant vous donnez votre sang ? Oui. Bravo. Ça serait le comble quand même. Je l'ai dit, vous avez un métier avec un titre un peu à rallonge. Qu'est-ce qu'on y met là-dedans, dans promotion du don, développeuse de territoire, 54, 55, 88 vous faites quoi de vos journées ? Comme tu le dis Christophe, je suis développeur de territoire et chargée de promotion du don, donc sur le bassin de Nancy qui couvre la Meurthe-et-Moselle, les Vosges et la Meuse. Mon rôle, c'est de mobiliser les donneurs, que ce soit sur la maison du don ou sur les collectes mobiles organisées et déployées dans les communes, les entreprises et les établissements scolaires. Concrètement, je mets en place des actions pour encourager le maximum de personnes à venir donner et elles aussi devenir des héros du quotidien. Mais ça ressemble un peu à ce qu'on fait en tant que bénévole. Ça, voilà, c'est pour ça qu'on travaille avec elles. On serait tous des développeurs de territoire sans le savoir ? Ah, je crois, ouais. Bon, je vous taquine, hein, Marion, mais effectivement, nous, on a des zones un peu plus restreintes. Au sein de nos diverses associations. Cette mission-là que vous accomplissez tout seul, vous êtes dans une équipe, c'est comment ? Alors, je dépends du service communication et marketing, mais sur ces missions-là, j'étais toute seule. Et depuis la rentrée, j'ai pris une alternante pour m'aider et venir m'appuyer sur mes missions, puisque dans les actions, on a des sensibilisations qui sont faites auprès des jeunes. Et dès le plus jeune âge, pour pouvoir les sensibiliser au plus tôt dans les entreprises et puis dans la mise en place d'actions de communication. Et puis aussi dans l'organisation de challenges étudiants qu'on met en place, notamment le rallye du sang à Nancy, challenge dont on prépare la 6e édition pour cette année en 2026. projet qui est créé par des étudiants et pour des étudiants autour du don de sang et du don de plasma. Parce que c'est essentiel de le rappeler, mais seuls 3,5% des personnes en âge de donner franchissent le pas. Oui, c'est un chiffre important, ça. Alors, c'est vrai que généralement, on dit 4%, mais on, a ouais. passé, on est passé en dessous des 4%. Ouais, donc, tout à fait. Malheureusement. Donc mais, oui, c'est important à donner ce chiffre. Hein. Seulement 4% des gens en capacité de donner leur sang le font. Quoi. Franchissent le pas, oui. Et puis, dans la tranche des 18-29 ans, on a quand même 28% de donneurs qui font partie de la tranche des 18-29 ans, et ce qui est très encourageant, voir que les jeunes donnent quand même. Hein. Ouais. Et puis, on organise aussi des collectes festives pour proposer des nouvelles expériences à nos donneurs et puis maintenir l'engagement. Et puis c'est indispensable, notamment pour continuer à faire connaître le don de plasma, hein, qui est encore trop méconnu, puisqu'aujourd'hui on couvre que 45% des besoins des patients. Et oui, ça aussi c'est important. Ouais. D'ailleurs, il y avait un challenge là, qui s'est terminé le 31 décembre. C'est ça, un challenge, tout à fait, qui a bien fonctionné. Qui a très bien fonctionné, et je sais qu'on en avait échangé le mois précédent. Ouais. Ouais, ouais, c'est, du coup, c'est ce qui nous oblige à importer les médicaments dérivés du plasma. Le temps du don, le temps du quiz. Allez, je vais tout de suite enchaîner avec la première question, tous les deux et à nos auditeurs, bien sûr. À votre avis, quel est le groupe sanguin appelé donneur universel en France? Allez, c'est un petit QCM, à moins que vous connaissiez déjà la réponse, hein, auquel cas, je vous laisse y aller. Bon, alors, je propose. Ouais, vas-y. Ouais. A, A+, plus, B, au moins. C'est AB-. Au moins. Au moins. Au moins. Mais oui, c'est au moins ça la réponse, c'est au moins effectivement. Ça, ouais. Donc oui, alors juste un petit complément d'info, on parle généralement des 8 groupes principaux, hein, les A+, A-, B+, B-, A+, non, O+, au moins, AB+, AB-. Mais saviez-vous qu'il existe 380 groupes sanguins dits groupes rares? Vous le saviez ça? Oui. Dominique, tu le savais? Voilà, tu le savais. Bon. Bon, bah ok. La chance aussi. Ouais, bon, ok. Donc, c'est quand même moins de 4 personnes sur 1000 qui sont concernées par ces groupes sanguins dits groupes rares. C'était le petit complément d'info avant de passer à la deuxième question. Cette deuxième question, c'est: quelle est la durée de vie d'une poche de sang? Alors, allez, petit QCM. Ouais, elle n'est pas facile. Réponse A, 42 jours, soit 6 semaines. Réponse B, 56 jours, soit 8 semaines. Réponse C, illimité. 42 jours. Oh, elle est forte. Ouais, non, mais... c'est un métier. Hein. C'est un métier, ça s'apprend. Ça, c'est un truc de dingue. Donc oui, effectivement, c'est 42 jours, donc 6 semaines. C'est le temps de vie d'une poche de sang. Donc bravo à tous les deux. Je ne doute pas un seul instant que les auditeurs avaient également les bonnes réponses. Le temps du don, le temps de l'invité. Marion Nardin, vous nous avez parlé de votre métier tout à l'heure. Donc je le rappelle, hein, vous êtes chargée de promotion du don. Pouvez-vous nous dire quels sont les objectifs de l'EFS pour les 12 mois à venir, donc en ce 2 janvier 2026? Alors, en termes d'objectifs en 2026, en France, nous avons la chance d'être autosuffisants en sang total. Ce n'est pas toujours simple parce que on fait aussi des appels, hein, dans l'année quand on a besoin de sang et qu'on n'est pas, on n'arrive pas forcément à subvenir aux besoins, mais on parvient les appels, toujours ce quand que, même. C'est, voilà, c'est les appels. Les campagnes qu'on peut voir, ouais, qu'on peut voir à la télé ou entendre à la radio. Ça, quand c'est on ça. Incite et qu'on invite les à venir donner. D'urgence. Voilà. Ouais, parce qu'il y a toujours des moments dans l'année, on voit. Avec les ponts, les vacances, ouais. etc. C'est vrai que c'est des périodes où on a besoin que les personnes se mobilisent pour venir on donner. Sort des fêtes de fin d'année, les maladies, les gastro, les trucs qu'on se partage là, au moment de Noël, hein, quand on s'embrasse pour la bonne année, tout ça, tout ça. Voilà. Okay. Mais on arrive quand même à répondre aux besoins en termes de sang total. Pour vous donner un ordre d'idée, sur le bassin de Nancy, il nous faudra environ 47 000 poches de sang et près de 247 000 pour l'ensemble de la région Grand Est. 47 000 poches de sang par an ? Sur le bassin de Nancy. Sur l'année à Nancy ? Sur Nancy. Rah, ça, c'est des chiffres qui impressionnent, non ? Ouais. Il en faut, hein ? Il en faut des gens qui tendent leurs bras. Eh oui, on a du boulot, hein. Ok, donc ça, c'est des objectifs effectivement total, chiffrés. Ouais. Donc ça, c'est sur le sang total. Oui, tout à fait. On a d'autres chiffres peut-être. En revanche, la situation est plus compliquée pour le plasma. Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, on reste dépendant de l'étranger puisque nous couvrons aujourd'hui que 45% des besoins des patients. Donc l'objectif est donc clair, hein, augmenter notre collecte sur le plasma. En 2026, il nous faudra atteindre 15 000 poches de plasma sur le bassin de Nancy. Ok. Et 83 000 dans tout le Grand Est. Contre 72 000 en 2025 pour la région Grand Est. Donc, ce qui représente quand même une progression d'environ de 10%. Bah ouais, c'est une belle progression, ça. Donc, 15 000, si on est sur Nancy, on a des chiffres au département ou pas? Non, peut-être pas. Hein. Non. Non, on n'a pas de chiffres au niveau départemental, mais déjà, donc, sur Nancy, 15 000 poches de plasma, c'est énorme. Enfin, moi, ça me... Ouais. Je me dis qu'on a du taf, là. Y a-t-il d'autres chiffres, d'autres éléments à nous communiquer pour cette année 2026? Non, mais bien comprendre que le défi est de taille. Oui. Et qu'on compte sur chacun d'entre vous. Alors, il faut donner pour pouvoir nous aider à remplir pleinement cette mission au service des patients. Alors, quand vous dites chacun d'entre vous, on est, vous entendez quoi? Les associations, les individus? Les donneurs, tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. Et vous communiquez où? Bah oui, les réseaux sociaux. Et puis ici, hein. Il y a beaucoup de gens qui nous écoutent. Ici, sur divers médias, auprès de nos partenaires, voilà. Et les réseaux sociaux, c'est quoi le... Vous êtes sur quoi? Sur Insta? Sur Facebook, ouais. Instagram, et c'est Don de sang Meurthe et Moselle. J'ai déjà vu le FS faire des vidéos TikTok aussi. Alors, je ne sais pas si c'est... Alors, on n'est pas sur TikTok, mais on fait des vidéos, effectivement, des réels qu'on appelle. Ouais. Des réels pour pouvoir mobiliser au maximum, ouais. Assez amusante. On essaye. Ouais. Ouais, je crois avoir vu aussi l'année dernière des petits réels avec justement Marion, je crois. Il me semble l'avoir reconnu à certains moments. Je me suis lancé, ouais. Ouais, ouais. Et on a une influenceuse en fait dans le studio là. Une bonne influence là. On le savait pas, là. Tu le savais pas, Dominique. Hein. Non, mais je suis sûr que c'est une bonne influence aussi. Évidemment. Que diriez-vous pour convaincre des personnes à venir donner leur sang en collecte mobile ou en plasma d'ailleurs à la Maison du Don? Et bah que si vous voulez faire partie de la team super-héros, je vous invite à venir donner sur nos collectes et sur nos maisons du don. Impeccable. Merci Marion Narvin. Merci à vous. Le temps du don, le temps de l'agenda. Eh bien allez, c'est le temps de l'agenda. Donc Dominique, qu'as-tu à nous dire? Quelles sont les collectes sur la région de Nancy? Eh bien Christophe, comme d'habitude, après les réveillons de Noël et Nouvel An, venez aux collectes autour de Nancy. Par exemple, à La Neuveville-Nancy le 15 janvier. À Ludres, le 16, à Champenoux, le 20 janvier, et à Champignol, le 28 janvier. Et puis surtout, en janvier, bah, c'est la reprise des collectes dans les universités. Autour de Lunéville, est-ce qu'il y a des collectes prévues, là? Oui, par exemple, alors là, on va un peu plus loin que Lunéville, on va aller à Ciré-sur-Vezouze tout de suite, là, bientôt, là, le 5 janvier, à Gerbévilliers, le 16, à Baccarat, le 21 janvier, et puis alors, on revient un peu plus près, à Vézelise, le 7 janvier, juste à côté de Vézelise, le 27 janvier. Ok, allez, on quitte le Saint-Ouen et on va sur Toul? Ouais, sur Toul, bah, en fait, le même jour qu'à Saint-Trey, le 27 janvier, c'est une collecte à l'Arsenal toute la journée. Eh bah, écoute, je te propose de prendre la route et on remonte vers le nord de la Meurthe-et-Moselle. Pas loin de Pont-à-Mousson, on pourra donner son sang à Blénaud-les-Pont-à-Mousson le 20 janvier. Et enfin, je finis toujours comme ça, au nord de la Meurthe-et-Moselle, à Jarny, à côté de Briey, le 5 janvier, à Mont-Saint-Martin, juste à la frontière, c'est le 8 janvier, à Auboué, le 14 janvier, à Villers-la-Montagne ou à Audin-le-Roman, bah, c'est le même jour, le 20 janvier, et on finit le mois de janvier, cette fois-ci, à Valleroy, pas loin, le 29 janvier. Et on retrouve toutes les collectes sur le site don200.fs.santé.fr ou en tapant don du sang sur votre moteur de recherche préféré. Puis toutes les informations sur votre application don de sang sur Android ou iOS, c'est le plus simple. On trouve les lieux, les principales contre-indications et puis on peut prendre directement rendez-vous. Comme ça, vous pouvez également faire votre carte de donneur vite virtuelle, c'est utile, ce qui vous permet de vous passer d'avoir votre carte d'identité. Le temps du don, c'est fini pour aujourd'hui. Le temps de cette émission, vous auriez pu faire un don de sang et devenir un héros en sauvant 3 vies. On vous retrouve avec Dominique le mois prochain. Ce sera le vendredi 6 février à 12h30 avec un nouvel invité.